Cette semaine, dans ta bio Bifitus Active, je crois que tu as une grande nouvelle à nous annoncer. Ah oui, alors j'ai une très très grande nouvelle à vous annoncer qui concerne tout le monde. L'émission Pantoufle Explosive est en négociation avec son premier annonceur. Nous allons pouvoir peut-être être enfin défrayés. Il faut quand même pas exagérer. Pour fêter ça, champomy en fin d'émission. Oui, du champomy, car l'alcool est interdit dans les locaux de Radio Air Show depuis que Thibaut, après avoir fait le plein de bière chez le marchand, ça on ne l'a jamais fait, je suis sûr. Jamais. Et voulant joindre la pratique à la parole, a lancé son désormais célèbre « Il est 18h, sautez dans vos pantoufles !» en sautant dans ce qu'il croyait être ses pantoufles et qui n'était que le décolleté de Florian. Il a fallu 8 heures aux pompiers pour le désincarcérer. Depuis, l'alcool est interdit dans nos locaux. Alors, comme vous le savez, Pantoufle Explosive est une émission culturelle consacrée au cinéma. Il nous fallait donc un annonceur ayant un rapport avec l'émission. C'est la raison pour laquelle nous avons entamé des discussions avec les jardineries Truffaut. Autant vous dire que nous sommes aux 400 coups. Oh. Et pour achever de convaincre cet annonceur que sa place est bien dans notre émission, je vais faire aujourd'hui le portrait de Jean du Jardin. J'espère que je serai à la hauteur de l'homme. Cette chronique, oui, à l'affiche actuellement. Cette chronique s'appellera donc exceptionnellement du Jardin Bio. Alors voyons sa bio, justement. Jean Dujardin est né à Rueil-Malmaison. Bon, je vous cacherai pas que pour la cohérence de ma chronique, il aurait été plus facile pour moi qu'il soit né à Fontenay-aux-Roses, Bormes-les-Mimosas ou encore Fougères. Mais bon, on fera avec. Et puis qui sait, peut-être une fois mort, aura-t-il la décence, ne serait-ce que pour m'aider dans ma chronique nécrologique, de se faire enterrer à Juin-les-Pins. Il est donc né à Rueil-Malmaison, donc information inutilisable, et son père est serrurier. Ah, une information intéressante. C'est même la clé indispensable pour comprendre le personnage et sa carrière. Jean Dujardin commença par travailler dans l'entreprise familiale en tant qu'OSS, ouvrier spécialisé en serrurerie. Il était un peu con à l'époque et adorait regarder à travers les serrures. Aussi, quand Nicolas Boukrieff se mit à chercher un comédien pour le convoyeur, je sais, c'est con, il pensa immédiatement à lui. Ce furent ses grands débuts au cinéma, suivis par le succès phénoménal de Brise de Nice, que j'ai bien malgré moi favorisé. Oui, peu de personnes le savent, mais Jean Dujardin me doit tout. S'il a décroché le rôle de Brise de Nice qui l'a rendu célèbre, c'est tout simplement parce que j'avais refusé de jouer dans Jean-Paul de Paimpol. Il pleut beaucoup trop en Bretagne. Ah, une réaction immédiate sur hashtag Pantex de Bécassine, c'est ma cousine. Je pleure Armelec dans le Morbihan, tu m'étonnes. Si tu continues à faire l'andouille de Guéméné en disant qu'il pleut en Bretagne, je te crêpe le chignon. Dans les Bretons, à la moindre réflexion, ça pique un phare. Non, il faut que je me rachète, hein, sinon je pourrais pas y aller cet été en vacances. Allez, un truc pour leur faire plaisir. Les Bretons sont beaux. Voilà. C'est quand même plus français que de dire les palais bretons, non? Oh. Non, même en même temps, ils sont même pas français, c'est vrai. Et là, vous vous dites, mais comment est-ce qu'il va faire pour recoller à sa bio sur Jean Dujardin? Au moment de l'écrire, je dois vous dire que lui-même y a pensé. Oui, je parle de moi à la troisième personne, comme Alain Delon. Alain Delon qui n'a jamais tourné avec Jean Dujardin. Ça y est, j'ai raccroché les wagons. D'ailleurs, c'est dans un train, en Inde, que Jean Dujardin séduira Elsa Silberstein dans Deux, le dernier film de Claude Lelouch. Pardon, oui, deux. Enfin, un plus une, c'est pareil, non? Attendez, j'essaie de mettre le moins de mots possible pour gagner du temps dans ma chronique, pour rentrer dans les clous. Parce que si on part par là, je vais pas vous dire que Jean Dujardin a joué dans 99 francs, mais qu'il a joué dans 1 franc, plus 1 franc, plus 1 franc, plus 1 franc, plus 1 franc. Astral, on n'est pas prêt de la boire notre bouteille de champomy en fin d'émission. Côté vie privée, Jean Dujardin nous donne à réfléchir, et pas seulement parce qu'il a tourné dans Infidèle. Un gars et une fille peuvent-ils être amis sans qu'il ne se passe rien entre eux? Jean Dujardin l'a cru au début avec Alexandra Lamy. Et puis, à force de partager la même salle de bain, on brise la glace. Aujourd'hui, il roule des patins à Nathalie Péchala. Alors, je ne pouvais pas parler de Jean Dujardin sans évoquer son Oscar pour sa prestation dans The Artist de Michel... Azinucuvius... Zanavicius... Michel Ozanavicius... Bon, le mieux pour se remémorer la prestation de Jean Dujardin dans The Artist, c'est encore de se taire. Merci à vous. Il y avait plein de jeux de mots. C'est étonnant. C'est fou. C'est étonnant.